Comment parvient-on à l'indépendance? Il est assez facile de se donner une première définition de la notion d'indépendance qui semble être fondamentale dans toute vie humaine, dans toute vie individuelle et peut-être aussi collective. On pourrait appeler indépendance, en effet, dans un premier temps, la capacité d'assurer soi-même, d'assurer seul, d'une manière qu'on pourrait dire un peu rapidement autonome, d'assurer sans l'aide d'autrui les besoins fondamentaux de notre existence. Cette capacité d'assurer seul nos besoins, nos fonctions, tout ce qui est de l'ordre de notre vie, semble en effet pouvoir définir le fait de ne pas dépendre d'autrui, le fait d'être indépendant, peut-être libre et autonome, tous ces termes étant très proches et en même temps distincts les uns des autres. Mais alors, si l'on définit ainsi l'indépendance, la capacité d'assurer seul notre subsistance au minimum, il est certain que nous ne sommes pas d'abord indépendant. Par exemple, le simple fait de naître, le simple fait de commencer à la naissance par un état de faiblesse extrême, nous naissons faibles, nous avons besoin de tout, nous dit Rousseau au début de son Émile ou de l'Éducation, le simple fait de notre fragilité, de notre détresse infantile, de ce que les psychologues et les psychanalystes appellent la néothénie, la fragilité du nourrisson, eh bien, le simple fait de cette fragilité initiale nous montre que l'indépendance n'est jamais une donnée première dans la vie humaine, en tout cas dans la vie individuelle. En effet, nous dépendons originellement non seulement du monde qui permet notre coexistence, mais aussi et peut-être surtout de la volonté et de la bienveillance d'autrui de venir à notre secours. Nous dépendons de cette aide que nous apportent les autres et sans laquelle nous ne pouvons pas survivre, sans laquelle nous ne pouvons pas en effet accéder, car cela peut rester un but, accéder à une forme d'indépendance. Alors il faut aussi distinguer, et dans l'histoire de la philosophie, c'est l'autre sens de la notion d'indépendance. Est-ce que l'indépendance, c'est la capacité d'assurer seule sa subsistance, voilà, d'accéder à une autonomie qu'on pourra dire concrète, de se déplacer, de se mouvoir, de se nourrir, de répondre à ses différents besoins, ou est-ce que ça n'est pas plus simplement, mais aussi peut-être de manière plus compliquée, le fait de ne pas dépendre de la volonté d'autrui? Si c'est le premier sens, alors il faudra, pour être indépendant, avoir un exercice complet de toutes ses capacités. On pourra dire d'un être handicapé, d'un être malade, qu'il n'est pas indépendant. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous devrions pouvoir dire. En réalité, un être handicapé, faible, qui ne subvient pas tout seul à tous ses besoins, peut être indépendant s'il ne dépend pas de l'arbitraire d'autrui. Peut-être que l'indépendance véritable, c'est moins la capacité d'assurer à soi seul tous les moyens de sa vie que la capacité de ne pas dépendre de l'arbitraire d'autrui. Nous pourrions alors être indépendants sans être tout-puissants. Nous pourrions être indépendants en assumant nos fragilités.